L'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Jean Perron, est allé d'une déclaration quand même assez fracassante qui a été reprise sur certains sites Internet. Si le Canadien ne font pas les séries, ils ne les feront pas. Il ferait maison nette et je partage pas mal son avis. On lui parle. Bonjour, Jean. Bonjour, ça va? Ça va bien, ça va bien. De pas faire chaud en Gaspésie non plus, parce qu'au lac, ça commence à pas être chaud non plus. Alors, c'est moins 25 aujourd'hui, ça fait que... Non, mais ça va bien. Écoute, il n'y a pas trop de neige, ça fait que... La température est belle. Ouais. Jean, tu as fait toute une déclaration, puis je suis pas mal d'accord avec toi. Je peux pas croire, moi, hier, j'écrivais, je peux pas croire que Marc Bergevin va être de retour après tout ce qui se passe. Le club ne fait pas les séries, on les voit pas encore. Je ne suis pas sûr que l'an prochain, ils vont les faire. On nous parle des jeunes, puis à part Romanov et peut-être Caulfield, le reste, c'est des jeunes bien ordinaires. Donc, je peux pas croire, mais qu'il se passera pas de quoi à Montréal à partir de cet été-là. Ben, on nous parle beaucoup des jeunes, comme tu dis, puis une chance que on a Bergevin qui a fait certaines transactions qui n'ont pas coûté cher, parce que je veux dire une chose, les repêchages de notre ami Trevor Timmons là, sont pas trop bons. Écoute, parle-moi pas de Galchenyuk, puis de McCarron, puis de Tinordi. C'est des choix qui ont été bien ordinaires. Pour des choix de première ronde, ça n'a pas été bon. Là, on nous a vendu Kotkaniemi, mais il régresse d'un an à l'autre. De l'année passée à cette année, c'est pas amélioré. On a besoin d'avoir un service de recrutement un petit peu meilleur que ça. Jamais je croirais qu'il n'y a pas des gars au Québec qui seraient capables de venir prendre des places de certains de ces joueurs-là. Timmons ne veut rien savoir du Québec, de ces Québécois-là. Donc, il y a des gros manques. Pourtant, Bergevin nous avait bien dit qu'il mettrait de l'accent sur les joueurs du Québec. Finalement, on se retrouve avec deux gars du Québec qui jouent dans cette équipe-là. Et ça, c'est vraiment vrai. Puis Jean, à quelque part, est-ce que s'il se passe quoi? Parce que ça commence toujours d'en haut, hein? Moi, je m'ai commencé tu sais, les Patriots de Nouvelle-Angleterre, c'est qui mène? C'est Belichick. Mais qui est allé chez Belichick? C'est Robert Kraft. Et les Canadiens, cette année, s'il ne se passe rien, ben, ce ne sera pas Marc Bergevin qu'il faudra blâmer, ce ne sera pas Claude Julien, ça va être Jeff Molson. À un moment donné, le président, faut qu'il prenne ses responsabilités. D'accord? Oui, moi, personnellement, je trouve qu'il y a des bons hommes de hockey dans cette organisation-là. Je l'ai dit à tout le monde. Je m'attendais à ce que, dans la pause de 10 jours, que Jeff Molson nous annonce ou Bergevin nous annonce certains changements pour donner espoir aux partisans. On a rien fait. On est revenu avec les mêmes joueurs. On ne semble pas avoir un plan d'attaque qui est bien orchestré. Ça fait trois fois qu'on change de plan depuis que Marc Bergevin est en place. Donc, moi, je suis très déçu, puis ça va être une fin de saison très désolante. Je me rappelle de Serge Savard à l'époque, tu étais là quand les jeunes sont arrivés, les Stéphane Richer, les Patrick Roy, les Claude Lemieux, Sergio Momasso qui était un bon jeune avant sa blessure. C'était différent. Puis tu me parles des hommes de hockey. Puis on dit que Bergevin a fait des bonnes transactions, c'est bien beau, mais c'est une business de résultats. Et dans votre temps, ben, je me rappelle, le Canadien, il n'était pas question de juste faire les séries, c'était de gagner la Coupe Stanley. On ne voit plus ça, là. C'est ça qu'il y a un manque de fierté également dans cette organisation. Tu es d'accord? Ah ben oui, écoute, c'est clair que Jeff Molson va réfléchir aux gestes qu'il va poser, parce qu'il va en poser des gestes. Ça, c'est clair. À l'heure actuelle, tu regardes sur Hop Ticket, là, les billets se vendent à demi-prix. C'est clair qu'il y a un paquet de monde qui vont déserter le Centre Bell. Ça fait qu'il va falloir qu'on ramène un peu de fierté là-dedans. Il va falloir qu'on monte un plan d'attaque qui est beaucoup mieux orchestré. C'est pas parce qu'on n'a pas des bons hommes de hockey à certains niveaux. Moi, je trouve que Claude Julien fait un bon travail avec les joueurs qu'il a. Duchamp, c'est un bon homme de hockey. Richardson, il a remplacé adéquatement Jean-Jacques Daigneault. On regarde Bouchard qui est avec le Rocket de Laval. On a des bons hommes de hockey, mais au niveau du recrutement, ça fait pic-pic. Ouais, ouais, ouais. Ça, là, c'est de la misère avec ça. Jean, il me reste deux questions que je veux te parler. La première, je vais te poser une théorie que je veux t'emmener. Ça se pourrait-tu que le Canadien... Tu sais, le Canadien fait partie du groupe CH, hein? Puis le groupe CH, ils font énormément de profit avec le projet immobilier. Ça se pourrait-tu que le Canadien, c'est une business dans le groupe CH et non pas le Canadien de Montréal? Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, là. Donc, c'est pas... Bon, plus... Oui, je te suis là-dessus. Ben, écoute, c'est sûr que c'est une grosse corporation, hein? Ouais. C'est clair. Tu sais, il y en a qui me disaient que l'année passée, le Canadien avait fait des profits de 125 millions. Ben, c'est ça. C'est clair que c'est une grosse business avec les spectacles, l'immobilier, le club de hockey canadien, la marchandise qu'on vend à gauche et à droite. Ouais. Ça rapporte énormément. Mais là, l'assise, la base, ben c'est le club d'hockey canadien. C'est le club qu'on a sur la glace. Ça, c'est clair, ça commence par là. OK. Dernière question, Jean. Je veux te parler de la pire affaire qui est arrivée aux Canadiens. Pour moi, là, c'est le départ des Nordiques. Mais les Nordiques performants, mais les Nordiques avec des Québécois, ce serait autrement que ça à Montréal. T'es d'accord avec moi? Ah ben oui, ça, ça va le dire très, très, très souvent. Ouais. La pire affaire qui est arrivée aux Canadiens, c'est que les Nordiques sont partis, puis les Nordiques les forçaient à toujours être meilleurs d'une année à l'autre parce que les Nordiques étaient arrivés avec leur plan de Québécois, puis il fallait que le Canadien embarque dans ce domaine-là. Et il fallait que le Canadien se surpasse avec des transactions bien réfléchies, des choix qu'on améliorait au prochain repêchage grâce à des tractations qu'il faisait avec les autres gérants généraux. Ah ouais. Mais là, depuis que les Nordiques sont partis, ben, on ne voit plus